de votre attention, s'il vous plaît. On va commencer tout de suite. Bonsoir et bienvenue à cette conférence du 3 octobre. Cette journée est placée sous le signe d'une éclipse solaire. Avez-vous vu quelque chose, vous autres? Moi non plus. Il semble que le soleil avait rendez-vous avec la lune, mais que la lune n'était pas au rendez-vous, comme dit la chanson. À propos d'éclipse, ça me fait penser à ces civilisations qui ont précédé la nôtre, ces civilisations hindoues, égyptiennes, Babylone, le Moyen-Âge, et qui se sont éclipsées elles-mêmes en limitant le libre arbitre de l'imagination de la jeunesse, en limitant la liberté de se questionner. Lorsqu'un peuple accepte d'être gouverné par une hiérarchie qui monopolise le savoir, il se heurte toujours à un dernier commandement: tu ne poseras pas de questions. Cet état statique entraîne toujours la fin d'une civilisation. Mais rassurez-vous, ce ne sera pas le cas ce soir, j'en ai des questions. Des questions à poser aux hommes libres, aux géants qui marquent notre temps, notre monde, parce qu'ils ne sont pas de notre temps ni de notre monde. On accueille maintenant, pour l'entendre, M. Bernard de Montréal. Qui débarque par l'OVNI de 8h30. Qui est complexe, qui est assez difficile à introduire, puisque la médiumnité, ça comprend tous les états différents de médiumnité, en passant par la transe mécanique, la médiumnité à support, la prophétie aussi, ce qui court dans les mouvements traditionnels, pentecôtistes, charismatiques, avec le don des langues qu'on appelle la glossolalie, le pouvoir de la guérison, etc. Aussi, ça inclut la clairvoyance, la médiumnité, l'extralucidité, la clairaudience, etc. Donc c'est un sujet très vaste qui concerne, je crois, l'intelligence occulte ou l'intelligence marginale. Ce matin, ma belle-mère me téléphone. Je prends plus de risques là, c'est plus de moi les idées, j'ai peur de me faire frapper. Vous savez que c'est sur compte de ma belle-mère, encore une fois, elle me téléphone ce matin, elle était toute énervée, et puis elle me dit... As-tu eu le temps de lire le journal? Elle dit non, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit, t'as pas lu l'histoire du Papa Lyon? Papa Lyon, Maman Lyon, qu'est-ce que c'est ça? Non, du Pape à Lyon. Le Pape est à Lyon en visite en France. Mais je dis, bon, ben, qu'est-ce qu'il y a là avec le Papa Lyon? Ben, elle me dit, Nostradamus, il a prophétisé que lorsque le Pape irait dans la ville que deux fleuves arrosent, il y aurait bien des problèmes là. Je dis, bon, ben, ça c'est l'affaire de Nostradamus, mais elle me dit, Nostradamus, c'est-tu un prophète biblique, ou c'est-tu un prophète profane, c'était-tu un médium, qu'est-ce que c'était? Je dis, je sais pas, on peut vérifier peut-être la nuance que le dictionnaire apporte à un terme ou à l'autre. Alors ça fait que j'ai cherché mon dictionnaire, puis j'ai regardé, j'ai feuilleté, puis j'ai trouvé prophète, juste entre propagande et prostate, là, prophète. Et dans le dictionnaire, il dit « prophète », ça vient de « propheta », du latin « propheta », ecclésiastique, « interprète d'un dieu ». Mais ils ne nous disent pas lesquels. Alors, je trouve ça assez vague, c'est assez ambigu, ça laisse beaucoup de place pour l'interprétation. Et là, je vais voir sur « médium », et « médium », ça vient de « médius », qui veut dire « le milieu », comme dans « médius digitus », le doigt du milieu. Je ne sais pas si ça a un sens voilé ou il y a une allusion quelconque, là.